Et voilà, c'est bien un bulle de rêve, un bulle de rêve avec un générique un peu particulier, non, mais en tout cas pas tellement d'animation, même si à une époque, il y avait visiblement une adaptation de ce que vous venez d'entendre en animation, qui visiblement, en tout cas pas à ma connaissance, ça n'a jamais été fait. C'est un film, la musique que vous venez d'entendre vient d'un groupe qui s'appelle les Gobelins. Grand groupe comme ça d'électronique un peu progressive des années 70-80, et c'est un film que certains d'entre vous connaissez qui s'appelle Suspiria de Dario Argento, grand classique du cinéma d'horreur qu'il faut absolument revoir. J'ai revu il n'y a pas longtemps, un côté très superbe avec des couleurs très rouges comme ça, tout un travail comme ça sur le coloris assez étonnant, et voilà, un film à absolument voir, un remake qui a été fait récemment. Pas si intéressant que ça, un peu lourdingue, mais pas si intéressant que ça, mais voilà. Alors, vous voyez pas évidemment, mais il y a énormément de monde autour de moi, autour de cette table. Non, il n'y a absolument personne, qui était une configuration qui aurait dû avoir lieu, mais c'était pas l'émission que vous allez entendre aujourd'hui, c'est pas l'émission que vous auriez dû entendre. C'est passé le festival de Clermont il y a pas longtemps, et je devais retrouver un invité, normalement mon invité principal qui devait être là, et je devais faire une longue interview comme ces interviews que je vous propose d'à peu près une heure sur des réalisateurs comme ça, et malheureusement il a dû annuler pour des raisons personnelles sa venue au festival au dernier moment, ce qui fait que j'essaie de trouver du monde. C'est jamais facile, évidemment, ce genre de situation à tourner comme ça. C'est pas évident. Et puis, j'ai fait une petite, pas bêtise, mais en tout cas, voilà, j'ai privilégié le direct le mois dernier, puisque j'avais Nicolas Tiss et Francis Gavel qui étaient présents, et j'avais passé qu'un tout petit bout d'interview, à peine, même pas la moitié, puisque c'était à peine une demi-heure qui était passée sur les une heure et quelques. Et en plus, comme de temps à autre, ça nous arrive, le podcast n'avait pas marché. Alors, c'est pas grave, parce que grâce à Fabien, fidèle auditeur de Bulle de Rêve et de Radio Libertaire, il enregistre parce qu'il a pas confiance au podcast. Je peux le comprendre, des fois en effet ça ne marche pas, et donc j'ai récupéré l'émission, mais une partie d'entre vous, si vous n'êtes pas sûr, évidemment, n'allez pas sur The Web Annie, vous l'avez pas récupéré. Donc je me suis dit, allez, on va refaire et on va repasser cette interview en complète cette fois-ci, mais en petit bout comme ça, tranquille, on va pouvoir parler, je vais mettre de la musique, ça va faire une émission presque normale pour une fois. Donc voilà, ça va faire plaisir à Nicolas, qui n'aura pas à jongler. Il y aura un peu à jongler, mais moins que d'habitude. Avec cette interview, on va commencer à vous présenter. Avant l'interview, je vais vous présenter un tout petit peu, parce que je me suis rendu compte que je ne fais pas quelque chose. Ah, et puis je crois, mon petit doigt, ou enfin l'un de mes doigts, je ne sais pas lequel me parle, je commence à me perdre, me dit que pour les fans d'animation, ne coupez pas après Bulle de Rêve. D'abord, de toute façon, c'est une erreur de couper après Bulle de Rêve, mais ne coupez pas après Bulle de Rêve, puisque il y aura une troisième heure consacrée, visiblement, en tout cas, un peu de cinéma d'animation, avec des gens que vous entendez d'habitude, souvent régulièrement ici, à Bulle de Rêve, et que vous allez entendre dans l'émission d'après. On peut peut-être demander, non? Puisque je sais qu'il est là quelque part. Francis, es-tu là? Francis, il est là? Francis, est-ce que tu peux nous annoncer juste, puisque j'ai dit qu'il y avait sûrement un peu d'animation, est-ce que tu peux nous annoncer le programme et pourquoi les gens qui aiment l'animation ne doivent surtout pas arrêter après Bulle de Rêve et doivent continuer à écouter? Oui, bonsoir Alexis, donc Francis Gavel à l'antenne. Longtemps je me suis couché de bonne heure, comme le mois dernier succède à Bulle de Rêve. Et à la différence du mois dernier, donc où il avait été qu'un tout petit peu question d'animation dans la première heure, puisqu'on parlait du festival de court-métrage de Clermont-Ferrand, mais on parlait aussi de live action. Donc là, cette première heure, en fait, va être consacrée un petit peu à un panorama comme ça de l'actualité de l'anime, où on va revenir dans un premier temps sur le palmarès de la 41e édition du festival du court-métrage de Clermont, avec ce fameux Grand Prix National à ce magnifique gâteau. Ensuite, on va parler du 21e rendez-vous du Cartoon Movie, pardon, qui aura lieu à Bordeaux début mars. Et puis, on finira un petit peu en parlant de la prochaine soirée des Césars, la 44e, le 22 février, mais en se concentrant, effectivement, là, juste a priori, d'abord parce que le programme est assez chargé, sur le César de l'animation, aussi bien court que long métrage, bien évidemment. Et on le fera, effectivement, avec des voix, des plumes qu'on a l'habitude aussi d'entendre chez toi, et de temps en temps, qui viennent à longtemps, je me suis couché de bonne heure, donc Stéphane Dreyfus et Nicolas Tiss. Mais vous pourrez rester à l'antenne, même de 20h à 21h, puisque ce sera la deuxième partie de l'émission qui ne parlera pas d'animation, mais animé par Thomas Fouet des Fiches du Cinéma, où on aura le droit à une rentrée, une petite actualité des sorties salles, et notamment un film majeur qui sera sur les écrans très prochainement, ils vous en reparleront, qui est le Santiago Italia de Nanni Moretti. Voilà, je n'en dis pas plus, je m'en vais. Et il s'en va, mais n'oubliez pas aussi, lundi prochain, donc 18 à la Cinémathèque, Francis Gavel, comme maintenant tous les ans, propose, grâce aussi à l'amitié et à la complicité de Bernard Payen, une séance court-métrage avec notamment au moins un chef-d'œuvre. Il y en a d'autres dans la séance, mais au moins un chef-d'œuvre qui est le Impossible Figures Another Story 2 de Marta Payek. C'est l'un des très très grands films de ces dernières années. Loupez pas, puisque très bonne idée de Francis, il va passer le numéro 2 en entrée et le numéro 3 en sortie de séance. Donc voilà, avec notamment des producteurs et des réalisateurs, des réalisatrices dans la salle. Gilles Quevelet, on va entendre l'interview tout à l'heure. En fait, je me suis rendu compte que souvent, je faisais pas une erreur, mais c'est vrai que j'avais tendance à ne pas présenter les gens. C'est quelque chose qui me paraît étrange. Et à la fois, je me dis, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant. Gilles Quevelet est un réalisateur qui est né dans le nord de la France. Ce nord est très important pour lui. Vous allez l'entendre dans l'interview, mais beaucoup de ses films se situent là-bas. Il va aimer le dessin, comme beaucoup de gens qui sont dans l'animation. Il va faire le DMA de l'ESAT, qui débute, le DMA d'animation. L'ESAT travaillait sur le dessin animé. Là, vraiment, le dessin animé plus. Et ils ont créé un DMA donc il y a maintenant une vingtaine d'années, et Gilles Quevelier était l'un des premiers. Donc Quevelier, si vous voulez regarder, hein, googlisez en attendant, c'est C-U-V-E-L-I-E-R, Gilles Quevelier. Et il va faire ensuite, après le DMA de l'ESAT, Les Gobelins, comme il va nous le dire. Il est dans une section assez impressionnante, hein, comme souvent avec Les Gobelins, mais là qui mélange beaucoup de gens, puisqu'il sera aussi bien avec des gens qui, comme lui, vont faire du court-métrage, comme François Leroy par exemple, hein, du duo Stéphanie Lansac-François Leroy, avec notamment leur dernier film Cadavre Exquis, qui travaille beaucoup entre le Vietnam et la France, mais aussi Marion Montaigne, devenue célèbre évidemment, notamment dans son travail pour la BD, Louis Clichy, réalisateur notamment des deux Astérix, et d'autres comme Paul Luc, qui lui travaille plus dans la réalisation de séries. Donc vous voyez, c'est intéressant, c'est une année où on aura des gens qui vont aller dans des styles complètement différents. Il fera un stage au Film du Nord, société célèbre donc dans le nord de la France, entre le nord et la Belgique, et il va réaliser là-bas un très beau film qui va le faire remarquer, qui s'appelle Chahut. Les trois sont en ligne, de manière un petit peu éparpillée, mais les trois sont en ligne. Chahut sur le site, je crois, YouTube des Films du Nord. Film qui se passe pendant le carnaval de Dunkerque. Si je dis pas le bêtise, j'ai d'un seul coup une station sur la ville, mais je pense que c'est bien ça. Et donc voilà, où déjà il mélangeait un personnage, il mélangeait sa région et aussi commençait à paraître certains thèmes comme le personnage qui est un peu isolé, qu'on trouvera notamment dans Love Patate, et puis aussi évidemment un personnage souvent isolé aussi dans son univers, dans son environnement, qu'on retrouvera avec son second film Love Patate. Film là où il va tenter plus de travailler sur le genre, et notamment le genre fantastique. Love Patate, comme son nom n'indique pas, mais on peut s'en douter, c'est un homme qui tombe amoureux d'une patate. Et voilà, on va suivre un petit peu son parcours, un peu fantastique. Les décors, au niveau mise en scène, c'est intéressant parce qu'il va utiliser des vrais décors, donc en photo, pour les mélanger avec de l'animation 2D. Donc ça donne quelque chose d'assez particulier au niveau de l'univers mis en place. Entre temps, il aura créé son propre studio, le studio Train Train, avec des amis. Il était parti des Films du Nord où il travaillait, et donc avec Claire Trollet, Gabriel Jacquel et Samuel Guénolet, ils vont partir des Films du Nord, ils vont créer un studio qui s'appelle Train Train. C'est là où on a fait l'interview, et aussi une société de production, tant qu'à faire, autant avoir et son studio de fabrication et son studio de propre production, qui s'appelle Papy 3D. On en a souvent parlé ici, se rencontrer sur l'ancien forum qui s'appelait Foodanime, et avec quelques amis dont Franck Dion, Sarah Vandenbaum, ils ont créé donc cette société de production qui s'appelle Papy 3D, uniquement de réalisateurs. Depuis, Jérémy Clapin notamment est venu les rejoindre. Quand je dis uniquement de réalisateurs, c'est faux, puisqu'il y a aussi par exemple Pierre Caillé qui est lui musicien et compositeur, et Richard Vandenbaum qui va s'occuper comme ça de la partie un peu plus production. Donc voilà, il va créer Papy 3D, il va faire Love Patate, et puis c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui dit aime beaucoup travailler sur les projets des autres, donc il va prendre du temps jusqu'à arriver à mon avis l'un de ses son troisième film, je pense l'un des grands grands films de ces dernières années, je le pense vraiment, qui s'appelle Full Time Job, à voir absolument, il est maintenant sur internet. Full Time Job raconte quelque chose qui est complètement dans notre vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'où peut-on aller pour le travail, quelle est cette problématique du facteur travail qu'il peut avoir, et qui est un film qui justement n'essaye pas de donner une réponse définitive, mais en tout cas nous pose question, nous, par rapport à notre relation au travail. Un très très beau film, visuellement magnifique, et avec une réalisation qui se lâche beaucoup plus, qui, à mon avis, voilà, un grand film, sûrement l'un des films que les votants des Césars ont malheureusement oublié. Je pense que deux des grands films qui sont La Chute et Full Time Job, qui, comme par hasard, arrivait en tête de la liste des experts, ce comité de sélection comme ça qui sélectionne les premiers Césars, et ces deux films-là arrivaient tout en haut et malheureusement n'ont pas su séduire, peut-être un petit peu long, hein, les deux films et les gens des Césars, même si Raymond est aussi un film long, mais il y a Yolande Moreau, très, très joli film, hein, bien sûr, mais voilà, en tout cas, deux grands manqués là, de la part des Césars. C'est pas la première fois que les Césars manquent ce genre de choses de toute façon, et je sais, puisque je sais que et Francis et en tout cas Stéphane et peut-être Nicolas auront des vues autres quand ils vous en parleront en deuxième partie. On a tous nos regrets, toujours évidemment, par rapport à ces Césars. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord écouter une chanson, et puis en fait on va enchaîner avec l'interview, Nicolas. Alors le morceau, c'est un film que je vous conseille absolument. C'est un film que j'ai découvert très tard, parce que quand on vous parle du film, quand on vous dit « Oh, ça va être c'est génial, il faut absolument que tu le vois », des fois vous hésitez un bout de temps, puis vous hésitez, puis des fois le temps passe. Hein. Ce film s'appelle Swiss Army Man. Swiss Army Man, c'est un film de deux personnes qui s'appellent les Daniels, qui sont avant tout des réalisateurs du vidéoclip. Swiss Army Man, c'est... si je vous en parle, la thématique, c'est l'un des personnages joué par Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe, c'est Harry Potter, hein, pour ceux qui connaissent. Et en gros, je vous en dis pas trop, mais c'est, je pense que les réalisateurs ont vendu le film comme ça, en disant « Ok, on va avoir Harry Potter qui va péter pendant tout le long du film. » Et là, la productrice a dû dire « Ok, je sais pas si c'est bon, je sais pas si ça vaut la peine, mais en tout cas, Harry Potter qui pète pendant tout le long, pourquoi pas, ça va marcher. » Je vous dis comme ça, évidemment, vous dites c'est quoi, c'est un remake de La Soupe aux Choux, c'est pas très intéressant. Alors non, c'est beaucoup plus intéressant que ça. C'est un film assez touchant et assez bouleversant sur un homme, je vous en dis pas trop, sur une île, en tout cas, voilà, perdu, et qui va essayer de s'échapper de cette île-là. Alors c'est dit très rapidement dans le film, avec un espèce de personnage qui arrive comme ça, cadavre, on sait pas trop, vivant, qui arrive, qui est Daniel Radcliffe, et il va s'échapper, en tout cas il va jouer avec lui, parce qu'à chaque fois qu'il est sur son ventre, il fait des pets pas possibles, et il pète tout le temps. Et je vous promets que dit comme ça, je peux comprendre que vous ayez envie de partir dans l'autre sens, mais si vous avez envie de voir un film vraiment original, vraiment, voilà, qui a un vrai sens du sentiment, de qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que côté existentialiste et à la fois drôle et à la fois étonnant, bah regardez Swiss Army Man. Et la bande annonce, la bande originale composée par Andy Hull et Robert McDowell, et notamment souvent avec les deux acteurs principaux au chant, Paul Dano et Daniel Radcliffe. Et là, la chanson que vous en entendez, The Better Way, arrive vers la fin, il n'y a que Paul Dano qui chante. Donc Paul Dano, A Better Way pour Swiss Army Man, et on enchaînera par tout simplement le morceau qui s'appelle Gilles 1, tout simplement, et qui sera, voilà, 18 minutes, et on reviendra un petit peu après pour une autre coupure musicale. On écoute ça, à tout à l'heure. Is there any way to get out?

une façon de faire qui se rapproche plus de la prise de vue réelle au niveau des plans. Je suis très classique dans mes cadrages. Voilà, je cherche pas l'innovation graphique dans mes films, en fait. Par contre, j'essaye de, avec tout ce bagage classique que j'essaye d'avoir au fur et à mesure des années, j'essaye d'en faire ma propre vision, mon propre langage. Bulle de rêve sur Radio Libertaire, bien évidemment, 89.4, ou bien sûr sur Internet. Gilles Cuvelier, que vous entendez, première partie de cette interview qui va se passer en quatre parties. Où là, on parlait un petit peu plus de son travail, et puis des changements, je pense, que je trouve en tout cas qu'il y a dans ses travaux à travers ces trois films. La deuxième partie sera encore sur son travail, et puis il y aura le questionnaire. Vous allez voir, le questionnaire est assez long et presque plus long que l'interview, parce qu'on a dévié, on a parlé de plein de choses. Voilà, faut savoir quelque chose, je ne vous mens pas. C'est toujours compliqué, d'ailleurs. Gilles est un ami, je le connais depuis un bout de temps, et c'est toujours compliqué d'interviewer des gens comme ça pour... J'espère que ça se sent à la fois, voilà, qu'on se connaît, mais pas trop non plus. C'est un peu sur la corde, mais que je trouve intéressant aussi. Allez, je suis retombé récemment dans Tool. Donc groupe plutôt métal, plutôt lourd, etc. Et puis, je voulais vous mettre du Tool, 6-7 minutes. Et puis, le soleil est arrivé. Alors, ça veut dire qu'on peut être malheureux avec le soleil, hein. C'est pas que je veux dire, on peut pas écouter des choses un petit peu lourdes avec le soleil, mais je me suis dit, allez, on va mettre quelque chose de plus léger. Et donc, on va écouter un morceau d'un groupe qui s'appelle Ménage à Trois. C'est le nom du groupe, hein. L'album, c'est Australia Part 3, et le morceau, c'est South Tees. Et alors là, je pense que voilà, on va pouvoir en tout cas bouger, là, danser un petit peu plus dessus. C'est fait pour ça, donc c'est fait pour le soleil, c'est fait pour nous amener dans ces contrées où il fait toujours chaud. On écoute South Tees et ensuite on enchaîne directement sur la deuxième partie de l'interview de Gilles. Merci Nicolas, à tout à l'heure. No one around me. Except you, baby, yeah, you. I don't wanna go losing you, baby. Have anyone around me except you, baby. Sydney, be with you everywhere.

Je trouve que les films coûtent trop cher maintenant. Le cinéma peut changer le monde ou non, c'est une belle phrase, mais finalement, ou quand même, tu y crois un tout petit peu? Ouais, j'en sais rien. Je sais pas s'il peut changer le monde, mais moi j'aurais du mal à vivre sans. Je te dis ça, c'est parce que tu fais un film là d'un seul coup qui se veut engager, tu vas faire un film plus personnel après normalement, on espère que ça va, voilà, ça va être fait. Et c'est juste savoir si en effet à un moment donné il y a à se dire, ben, est-ce que c'est, t'as envie de dire ton avis à un moment donné, de te dire ben voilà, le monde est comme ça et je veux en parler, ou quand même dire d'un seul coup ben, qu'il puisse changer, je sais pas, non, t'as des enfants, t'as des. Voilà, enfin, d'un seul coup se dire. Changer, ça n'a rien changé, mon film ouais. N'a rien changé du tout. C'est un court métrage d'animation, je te rappelle. Donc, c'est sûr, mais vu quand même. Dont aucune télé n'a voulu. Voilà, donc c'est très confidentiel aussi, hein, ce genre de choses. Non, je pense pas que ça change. En tout cas, ça n'a pas un impact direct. À la fois confidentiel, et t'as été en sélection Annecy à Clermont-Ferrand pour dire ces deux choses-là. Tu viens de le mettre sur Vimeo, où il y avait quand même, je sais plus, au dernier, quoi, 50 000 vues. Enfin, à peu près, on va dire. Mais donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens, finalement. T'as été plus vu avec Full Time Job que certains longs métrages qui sortent en salle et qui peuvent être vus uniquement par 15 000. Et encore, 15 000, c'est des fois beaucoup. Ouais, peut-être, certainement. Mais après, voilà, les gens ont vu un film. Et on est dans le cadre, quand même. C'est un art, c'est du divertissement. Enfin. Je remets pas en cause. Il faut que ça existe, les films, des œuvres engagées, c'est hyper important. Maintenant, je sais pas si c'est un impact, mais peut-être que si on avait plus aucune, là, on verrait la différence. Peut-être qu'on se rend pas compte que c'est un impact. Mais non, je pense réellement que ça a très peu d'incidence. Vraiment. Bulle de rêve, Radio Libertaire 89.4. Bulle de rêve, bien sûr, l'émission 100% cinéma d'animation. Alors évidemment, on vient de terminer la première partie de l'interview de Gilles Cuvelier avec quelque chose de très intéressant et qui nous parle beaucoup, hein, notamment évidemment ici, c'est est-ce que le fait de faire un film engagé change les choses dans la société. C'est une vraie grande question, évidemment. Vous savez, quelqu'un comme Miyazaki, par exemple, j'en reste persuadé, ce qui ne sera pas son dernier film, on sait qu'il en fait un nouveau encore, mais qui s'appelait Le vent se lève et qui était un film, à mon avis, un grand film désabusé aussi de l'artiste, du créateur par rapport au monde qui est autour de nous et qui finalement, vous avez beau faire ce que vous avez envie, et là notamment, c'est quelqu'un qui va créer des avions et ces avions vont être. Son envie de créer des avions, son génie de créer des avions à cet homme qui a réellement existé, va être repris par l'armée et le gouvernement japonais pour en faire des armes de guerre, là où évidemment lui aurait voulu. Et je pense que c'est une vraie, vraie belle question, en tout cas assez, assez passionnante et assez fascinante. Je vais pas trop vous en parler, puisque comme il vous l'a dit, il va vous en parler juste après avec deux invités. Je voulais quand même juste vous dire que un petit topo sur Clermont. C'était un très beau festival, en tout cas de Clermont, je trouve. Il y avait des choses très, très, très intéressantes et assez passionnantes cette année. Je reste très dubitatif, comme je le dis à chaque fois, à ce micro, réellement du travail sur le labo. À savoir, il y a toujours des choses intéressantes. Ce nom de labo ne veut plus dire grand-chose, à mon avis. Ça fait des années que je le dis, je suis loin d'être le seul à le dire. Mais voilà, et à chaque fois, notamment nous, dans le petit monde de l'animation, vous avez des films qui se retrouvent en labo, qui pourraient se retrouver sans aucun problème ailleurs. Un petit coup de cœur, rien à voir avec la compétition, mais que je voulais vous dire, un réalisateur qui s'appelle Philippe Barker, B-A-R-K-E-R. Cette année, c'était le Canada qui était invité, l'invité du festival, le pays invité du festival, et c'est quelqu'un qui notamment était en compétition l'année dernière avec un film qui s'appelle Shadownets, et qui travaille beaucoup sur les machines, beaucoup sur le corps humain. Si vous avez l'occasion de regarder du Philippe Barker, ça vaut vraiment la peine. C'est quelqu'un qui est assez passionnant. Je reviendrai pas sur les films en national et en international, peut-être que ils le feront, mes camarades le feront tout à l'heure, mais c'est vrai que par rapport au labo, je voulais vous dire deux trois petites alors je l'ai pas encore vu, hein, mais visiblement Francis vous parlera de son coup de cœur, qui est d'une réalisatrice, mais je laisserai parler tout à l'heure de ça. Je vais pas l'empêcher de regarder ce film. J'ai commencé à regarder le film, elle a l'air absolument magnifique en effet, donc je laisserai tranquillement parler de ça. Et pendant que je retrouve ma page de labo, qu'évidemment je n'ai pas sous les yeux parce que je ne travaille pas. Je fais mal mon travail, bravo Alexis. Je voulais vous parler de quelques films qui me paraissent importants. Si vous avez l'occasion, toujours difficile et complexe évidemment de parler de courts-métrages puisque lesquels vont se retrouver. Profitez-en demain, Forum des images, la reprise du palmarès, et notamment vous pourrez voir un film assez étonnant qui je pense a marqué pas mal de gens, un film qui s'appelle Sweated, qui était en labo, qui est quelque chose qui existe réellement, et c'est un documentaire comme on va l'appeler maintenant hybride, à savoir jouant entre l'animation, mais même le documentaire. Des fois on se demande c'est de la fiction, mais c'est bien du documentaire. C'est d'un réalisateur évidemment dont je ne retrouve pas maintenant, mais je vais vous retrouver son nom parce que je vais retrouver, qui vient du Frénois, et donc c'est l'histoire réelle de gens qui jouent sur Internet et qui d'un seul coup vont se retrouver avec la SWAT Team, hein, donc les SWAT c'est le GIGN américain, qui débarquent chez eux, et en fait il y a des hackers qui s'amusent, un drôle d'amusement, hein, d'un seul coup... appeler ce SWAT, GIGN américaine, pour leur dire, et en se faisant passer pour la personne, j'explique super mal. Je me reprends. je vais essayer de vous mieux l'expliquer parce que j'explique très très mal SWAT, et c'est vraiment très très dommage. Je vais regarder s'il n'y a pas un petit résumé. Vous patientez deux secondes. Non, vous restez avec moi. On revient à zéro, je voulais juste vous parler du labo et de quelques images qui me paraissaient importantes. Il y a quelques films qui me paraissent importants. Je reviendrai sur Sweated, je vais essayer de me reprendre mieux que ça. Un film qui s'appelle L'image migratoire, que moi j'ai pas tellement aimé, qui est pourtant intéressant, si vous avez l'occasion, de Migrating Image, de Stefan Kruse, Danemark, qui est un film à mon avis un peu loupé. Quel film à la fois passionnant parce qu'il devrait être sur Internet, voilà, on devrait le voir tout le temps, qui montre comment sont utilisées les images des migrants et comment elles sont fabriquées. Et il y a un côté qui est à la fois très simple et à la fois parfait pour qu'est-ce qu'une image aujourd'hui. Je trouve le film un peu trop évident, mais quelque chose d'une obligation aujourd'hui dans notre monde d'image que personne, ou en tout cas que peu de gens arrivent à comprendre. Sweated, Ismaël, Geoffroy, Chandoutis, et je vais vous lire le résumé, ce sera mieux. Des joueurs en ligne évoquent leur difficulté à échapper au sweating, un phénomène de cyber-harcèlement parfois mortel et qui les menace à chaque partie. L'action prend forme à travers des vidéos YouTube et des images vectorielles issues d'un jeu vidéo. Donc voilà, l'idée c'est qu'ils jouent et il y a des hackers qui sont des gens qui évidemment ne sont là que pour semer la haine et ne sont pas très intéressés par tout ce qui se passe. Et donc vont appeler cette SWAT team pour dire que le personnage qui joue a tué réellement son père, sa mère, etc. Et donc la SWAT team va débarquer chez vous et d'un seul coup vous menacez, et il y a même eu des morts par rapport à ça, et c'est des pranks, hein, c'est des gags soi-disant, c'est des choses évidemment très très malveillantes. Et le film est étonnant parce que lui n'a rien fait quasiment, il a fait des reportages, des documentaires, etc. Mais surtout, il a demandé à des gens un petit peu partout dans le monde de créer en fait toutes les images vectorielles du jeu vidéo. C'est assez étonnant, c'est un film qui est assez étonnant. Allez, film très drôle aussi, qui est assez réussi. Il y en a deux. Alors, c'était le grand truc du labo cette année, c'était de finir par un film drôle ou en tout cas un peu barré pour finir un petit peu la lourdeur. Un film qui s'appelle Excess Will Save Us, La démesure nous sauvera, qui est une réalisatrice suédoise et qui parle d'un petit village du nord de la France. Et c'est un vrai documentaire où en fait une femme un jour, en entendant des cris, a cru que c'était un attentat, et donc en fait les policiers ont débarqué, etc. Et c'est de voir la peur que peut engendrer évidemment tout ce qui se passe à la télé, tout ce qu'on dit à la télé, dans un tout petit village comme ça du nord de la France, où d'un seul coup la femme à la fin parle et dit on sait jamais, ça peut aussi nous arriver, faut pas croire. Et c'est cette peur évidemment qui est aujourd'hui présente tout le temps dans notre société. C'est assez étonnant. Faut bien qu'il y ait une chute à un moment donné. Je ne comprends pas le dernier Clément Cogitor, Le Mauvais Oeil, The Evil Eye, qui est fait à partir d'images préexistantes. Clément Cogitor, c'est la nouvelle petite merveille, hein, du monde du court-métrage, et bientôt sûrement du long. Son film est d'un vide absolument mais incroyable, et c'est du mauvais Godard d'il y a 30 ans. Alors je ne sais pas ce qu'en penseront mes camarades, mais en tout cas c'est un film que j'ai absolument détesté, que je ne comprends pas. Voilà, c'est vraiment un grand réalisateur, hein, mais comme quoi les réalisateurs peuvent évidemment aussi se planter. Qu'est-ce qu'il fait en compétition reste une grande interrogation. C'est pas c'est pas de l'animation, mais si vous avez l'occasion de regarder un film qui s'appelle The Passage de Kitao Sakurai, film complètement barré, non sous-titré, qui va dans tous les sens avec un homme qui est dans un avion. La première scène, c'est ça, un homme est dans un avion, tout le monde saute de l'avion. Et lui regarde et se dit qu'est-ce qui se passe et il se demande ce qui va se passer, il n'y a plus de parachute et il sort juste un sandwich et il commence à manger son sandwich. Et en fait tout le reste du film est une espèce de délire total comme ça, non sensique, vraiment, vraiment assez drôle. C'était vraiment les grands films du, pour moi en tout cas, du labo, avec aussi, il fallait pour être au labo cette année être en noir et blanc, un peu au ralenti, mais un très très beau documentaire aussi qui s'appelle Malanka, qui parle de déracinement à la fois dans une colline ukrainienne près de la frontière roumaine, et il y a une fête païenne qui s'appelle Malanka qui est célébrée, c'est que des gens qui s'habillent en ours, et le film est en fait un peu trop, il y a un peu trop de dialogue, mais le film est très touchant. Francis en a parlé un tout petit peu, bien sûr. Le côté exceptionnel de cette année et palmarès de National, avec encore pour la deuxième année consécutive un grand prix, un film d'animation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que le cinéma d'animation commence à être vu de manière différente. Il a fallu attendre 40 ans pour qu'un film d'animation, l'année dernière, Vilaine Fille, obtienne le grand prix. Et donc là, 2 ans consécutifs, ce film d'animation obtient le grand prix national qu'il n'avait jamais obtenu. C'est assez exceptionnel. C'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas les films, là, même pas d'intérêt pour quelque part, c'est une reconnaissance d'une vision cinématographique propre, et je trouve ça très très important que ça soit mis, petit clin d'œil, et que je trouve intéressant, qui prouve que la France a encore ce beau pays de d'accueil pour l'art. L'année dernière, c'était un réalisateur turc, production française, réalisateur turc, qui obtient le grand prix national. Cette année, c'est 2 réalisateurs belges, et plutôt flamand, et je crois qu'il m'a de Suef aussi, en tout cas il parle français, mais qui sont belges, et pareil producteur, alors coproduction française, donc c'est intéressant. J'espère que ça ira mieux là, toute Francis juste après, parce que j'espère qu'il va pas malheureusement avoir tout là, le pauvre, pendant toute son émission. Donc voilà, ils vous en parleront un tout petit peu plus, mais clairement était une année plutôt belle et plutôt bien, avec plein de belles choses, etc. Supprimons le nom labo, qui est un peu ridicule. Faisons peut-être, je sais pas, plus de sections, ou faisons une section film barré, film je sais pas, film autre. Mais bon, après on s'en fout, c'est qu'un nom. Et maintenant on sait que le labo, ça veut dire film autre. Après tout, on peut changer aussi nous-mêmes le nom. On en avait parlé, il va en reparler en début de son questionnaire, si le plus bel album de l'année dernière était l'album d'un chanteur décédé maintenant, il y a quelques années, à savoir l'album En amont d'Alain Bachung. On avait écouté déjà un morceau, on va réécouter un autre, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter, j'hésite entre deux en fait, j'avais mis Elle me dit les mêmes mots que j'adore et Seul le chien, qui est la deuxième chanson composée par Dominique A, et on va peut-être plutôt écouter celle-là, comme Gilles Cuvelier parle de Dominique A et de Bachung, où était Seul le chien. De l'album En amont de Bachung, et vous entendrez ensuite la troisième partie de l'interview de Gilles. À tout à l'heure. Seul le chien se souvient, seul le chien vous attend. Dommage qu'il vive si peu de temps. La paumée, cette enclume où tout est dessiné, et l'étoile et la lune et le cœur démarré, toutes les lignes tracées roulent pour la solitude, ce ventre constellé de manquer d'habitude. Seul le chien se souvient, seul le chien vous attend. Dommage qu'il vive si peu de temps. Type tordu comme corps fiévreux, aux mains amples, aux romances, promises aux contredanses, aux créneaux hasardeux, ils narguent les sirènes, leur chantent les adieux, du feutre sur les yeux. Plus tard, quand ils reviennent, seul le chien se souvient, seul le chien les attend. Dommage qu'ils vivent si peu de temps. C'est la dernière étoile que je vois s'allumer, c'est le dernier soupir que je m'entends pousser, qu'on me porte, qu'on m'installe, qu'on me donne à chauffer une dernière salle que je vois défiler. Un à un, ces visages pour qui j'aurais compté, mais l'heure a beau tourner, au milieu de la salle, seul un chien me regarde. Seul le chien se souvient, seul le chien vous attend. Dommage qu'il vive si peu de temps. Demander donc le questionnaire, comme tout le monde, on va commencer sur ce questionnaire, on va peut-être rebondir dessus. Un morceau de musique, alors ceux qui te connaissent déjà ne seront pas surpris. Il y a la liste de devant. Tu as choisi un morceau de Dominique A, L'Horizon, et tu dis qu'il me fait voyager à chaque écoute. Je voyage donc très souvent. Les fameux voyages immobiles. Dominique A, c'est quelqu'un qui te suit depuis super longtemps en fait. Tu ouais. suis depuis le super longtemps aussi. Ouais, il me suit, et c'est très pénible d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment un artiste. C'est vraiment l'artiste qui m'a fait redécouvrir finalement la chanson française en fait. Enfin, qui m'a fait aimer la chanson française hors variété, que j'écoutais petit parce que ça passait à la radio ou que mes parents écoutaient, voilà. Donc ils m'ont. Mais que j'avais pas choisi en tout cas. Que je peux écouter encore avec une certaine nostalgie, ouais, et par goût même, pourquoi pas. Mais voilà, là, c'est vrai, je pense que c'est vraiment le premier artiste français où je me suis dit, bah, ouais, je peux écouter quand même du français de ma génération quasiment, enfin, et pas les grands classiques, pas les, ouais, seulement ouais. les Brel, les Ferré. Des gens qui ouais, viennent... Et donc, ouais, je suis énormément ce qu'il fait. Chahut, j'avais pas écrit de scénario, j'avais fait un storyboard. Donc j'avais fait ce storyboard en écoutant deux musiques, dont une musique, enfin une chanson de Dominica sur l'album Aouguri. Donc et je l'écoutais en boucle et je dessinais en même temps et ça m'aidait à structurer mon storyboard. Je m'étais même dit, ah, il faudra que je mette cette musique dans le film. Puis finalement non, ça aurait été con. Mais L'Horizon, c'est la chanson qu'adapte Sébastien Dunbach pour Vasco, c'est celle-là Oui, je ouais. crois que c'est ça. Ouais. Et Sébastien Dunbach a travaillé ensuite pour Dominica, pour les clips. C'est quelque chose que t'aimerais ou des fois c'est bien d'avoir quelqu'un qu'on aime beaucoup comme ça et puis pas forcément mélanger les univers. Je t'ai jamais posé la question. Jamais dit, tiens. C'est forcément un des artistes pour lesquels j'aurais bien aimé faire un clip un jour, effectivement. Mais Mais bon, enfin, l'important c'est que tu puisses l'écouter, quoi. Après le reste. Un album. Je te laisse le dire. Oui, c'est quoi? Ah oui, En amont. Bah, c'est l'album de Bachung qui vient de sortir il y a quelques semaines, qui est constitué de morceaux juste maquettés à l'époque de son dernier album de son vivant, donc de Bleu Pétrole, je crois. Ouais. Et bon, je m'attendais pas forcément à grand chose, quelque chose d'assez anecdotique. Et je trouve que ce disque-là a une vraie unité, en fait. Et un vrai. Une vraie cohérence artistique. Les chansons sont aussi bien, je pense, que celles de Bleu Pétrole. Ah, bref, c'est pas un disque de. Voilà, on a fouillé dans les poubelles et puis on essaye de se faire du fric. Enfin, j'en ai pas l'impression, sinon ouais. il serait sorti avant, puisque ça va faire quasiment 10 ans qu'il est mort. Donc non, c'est. Et je l'écoute vraiment beaucoup en ce moment. Ouais, tu dis au moins une fois par jour en ce moment. Voilà, quand je l'écrivais, ouais, là, depuis 2-3 jours, ça s'est un peu calmé. Mais ouais, j'ai besoin d'écouter énormément les albums, de les décortiquer à fond. Donc je peux écouter tous les jours pendant un mois le même disque et d'autres, mais au moins une fois par jour, au moins. Un album que j'ai envie vraiment de connaître. T'es tout le temps en musique, hein, comme tu le disais. Moi, je suis souvent ici à train-train et tu travailles en musique. Il faut toujours qu'il y ait la musique. Même plus, là, tout à l'heure, c'est étonnant. T'écoutais plus des infos, des choses comme ça, d'ailleurs, sur ce qui se passe en ce moment. Rarement, plus mais rarement. Mais rarement, quand même. Hein. J'écoute rarement. J'arrive pas à travailler quand quelqu'un me parle, en fait. Enfin, si parler, ça va. Je peux parler en travaillant, mais je ne peux pas écouter la radio. La musique, oui. Une émission, un podcast, impossible. Je m'arrête de travailler, j'écoute. Ou alors si je travaille, je n'ai pas entendu ce qu'ils disent. Voilà. Donc j'ai pas cette chance de pouvoir regarder un film en travaillant, écouter une émission de radio en travaillant. Non, j'y arrive pas. Richard Williams disait dans une interview récemment, disait que pour lui, il ne fallait même pas écouter de la musique en travaillant. Donc c'est une autre génération. Toi, tu écoutes de la musique et maintenant j'ai l'impression qu'il y a plein qui ont 4 écrans ouverts. Plus leur téléphone, enfin plus la musique, plus des choses comme ça, et ils animent quand même. Bah, donc ça te paraît un peu fou et... Ouais, mais en même temps, moi je trouve que ça fait vieux con ce qu'il dit Richard Williams, donc forcément, oui, oui. Moi je fais vieux con de dire aux jeunes de ne pas regarder un film, donc voilà, toujours le vieux con de quelqu'un. Non, moi j'ai besoin de la musique pour travailler, pour me mettre dans un certain état, en fait. Voilà. Est-ce que c'est important, parce que c'est drôle parce qu'un long métrage, quand tu parles de certains états, tu n'as pas envie de choisir un film. Ce que tu as dit aussi un peu, comment choisir pour l'album. Donc évidemment, c'est compliqué. Tu es un fan, enfin, tu regardes beaucoup, tu écoutes beaucoup de musique, tu regardes beaucoup de films, même de séries. Enfin, vraiment, tu es une boulimie par rapport à ça. Donc tu as choisi, on a dit, Under the Skin, réalisé par Jonathan Glazer en 2013. Tu dis, c'est le film qui m'a le plus marqué en salle récemment. Il m'a vraiment laissé une empreinte forte. Je n'ai pas envie de le revoir pour autant. Une sorte de film rêve indissociable de la musique de Mika Levy. Et film rêve, on a vraiment l'impression qu'il y a que tu as besoin d'être dans un état. Mika, ça t'amène dans des voyages, enfin, etc. Que c'est... Oui, pour moi, l'art, c'est ça aussi. Hein. La musique, le cinéma, les livres, tout ça, c'est des voyages. Hein. Enfin, j'en fausse des portes ouvertes. Oui, mais pour certains. Non, parce que tu dis à chaque fois, je trouve qu'il y a un côté de se mettre dans un état. On a l'impression qu'il y a quand même plus que. Je sais pas, c'est pas assez extra du monde, mais un petit peu quand même, quoi. C'est totalement ça. J'écoute énormément la radio. J'essaye de m'enseigner beaucoup sur ce qui se passe dans le monde, en France et ailleurs, quoi. Donc cette partie-là qui est artistique, j'ai envie qu'elle m'emmène ailleurs, quoi, et qu'elle m'éloigne de toutes les choses, pas forcément déprimantes, hein, mais les choses du concret et de. En même temps, j'ai dit ça, j'ai fait un film. Et pourtant, reste, voilà. Oui. Et puis, Under the Skin est aussi, comme tu l'as dit, un film qui est vraiment ancré dans une certaine réalité. Mais c'est pas le merveilleux qui m'intéresse vraiment. J'aime bien, il faut qu'il y ait un pont, mais que la réalité soit déformée, en fait. Donc, toujours partir de la réalité. Oui, là, c'est important. Sinon, pour moi, il n'y a pas de base assez, assez forte. Je pense que pour construire même quelque chose de très, très fantaisiste, il faut une part de réel. Qui peut être caché, qui peut être non explicite, mais qui doit être là. C'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que la métamorphose dans Full Time Job, on verra, enfin, à un moment donné, elle fait que passer, il y a quelque chose, elle n'est pas forcément expliquée, et puis on ne sait pas si c'est dans le regard finalement des gens, on ne sait pas trop si c'est vrai, enfin, ça reste un peu mystérieux, c'est voulu. Ouais. Ah oui, c'est voulu, je voulais, enfin, moi j'ai mon interprétation, en général, je m'arrange quand je fais ce genre de choses pour que, peu importe le point de vue que le spectateur va adopter, ça ne va pas changer mon message en fait. Ça va pas le dire son contraire au moins. Ouais. La fin, c'est pareil, la fin du film, ce passage-là, peut-être un ou deux autres aussi passages qui sont un peu la voiture. Et puis il pourrait y avoir plein de fins en plus, tu nous. Et c'est pas un tiroir, mais quasiment. Enfin, on pourrait se dire, là, ah ben non, tiens, ça reprend. Ouais, ouais, le film pourrait se finir à deux ou trois endroits peut-être différents, effectivement. Je t'ai demandé un court-métrage, je veux bien que tu te dises, parce que c'est à la fois pas une surprise, parce que c'est un grand film, mais à la fois, et pas complètement non plus dans, forcément dans ton univers. Oui, c'est Le Comte des Contes de Yuri Norstein. Non, mais c'est le film que je cite à chaque fois, ça par contre, ça change pas. Autant le long-métrage, tu me reposes la question cet après-midi, je vais te poser un autre. Mais en court-métrage, tout confondu, mais même film, hein, je pourrais dire. Ouais. Je pense que c'est mon film préféré, en fait. Comme court, en fait. Ouais, comme tu dis, c'est quoi, c'est pareil, c'est aussi. Alors, c'est pas du tout la même chose, et pourtant, on est dans un cinéma qui est pas explicatif, ou comme tu dis très bien dans ta petite phrase, voilà, un film à tiroir, un assemblage qui paraît dénué de sens, mais qui est d'une poésie, pardon, absolue, et qui m'émeut énormément. Cela ne s'explique surtout pas. En fait, finalement, on a l'impression que c'est pas étonnant avec ce que tu dis que tu fasses le cinéma que tu fais, quoi. Et pourtant, encore une fois, on est dans deux styles différents, bien différents. Oui, en plus, ce film, c'est presque un accident. Enfin, toi, tu pourrais mieux en parler que moi, mais il me semble qu'il a été fait finalement debout de plusieurs films, si je me souviens bien. Mais, après, peu importe, je m'en fiche totalement comment il a été fait. Moi, ce qui m'importe, c'est le résultat et ce que ça fait sur moi, en fait. Donc, et sur moi, il a vraiment un effet à chaque fois hyper fort, en fait, d'émotions très intenses. Tu regardes de temps à autre comme ça, ce genre de film, un peu comme les musiques que tu écoutes régulièrement En fait, je le voyais au moins une ou deux fois par an pendant 10 ans, là, puisque c'est un film que je montrais quand je donnais des cours à Supinfocom. On m'avait demandé aussi de montrer des films. Donc je montrais des films pendant mes cours, et ça, c'était un des films que je montrais forcément chaque année. Et je l'ai regardé à nouveau quand tu m'as demandé de faire le questionnaire. Je cherchais le lien, puis j'ai regardé le film. Ouais. J'ai pas encore vu cette année. Enfin, l'année dernière, en 2018, j'avais pas encore vu. Donc comme on ça. En 2019, maintenant, c'est tant pis. J'ai loupé 2018. Je le verrai deux fois. Ça arrive, faut que tu vois. une peintre ou autre beaux-arts, tu as cité une sculpture de Bourdelle. En disant, oui. Je conseille fortement la visite du musée Bourdelle, d'ailleurs, le lieu est incroyable. Ouais, c'est un musée qui est dans le 14e, je crois. Et donc c'est son ancien atelier, son ancienne maison qui a été donc aménagée en musée, et c'est un sculpteur que je trouve incroyable, en fait, contemporain de Rodin, mais que je trouve en fait moi beaucoup plus intéressant. Ouais. Et le lieu est aussi voilà, quand je peux, j'y vais aussi. C'est que j'y suis allé pas mal de fois dans ce musée, et j'espère pouvoir un jour m'inspirer de ce qu'il fait pour un film. Je sais pas encore comment, je sais pas encore de quelle manière, mais c'est pareil, hein, j'ai pas envie trop d'analyser pourquoi, mais c'est son travail me parle énormément, en fait. Alors que c'est pas absolument pas ce que je fais moi non plus, mais en tout cas. Mais on aurait pu croire un photographe, on aurait pu croire que tu allais prendre quelque chose justement, peut-être de plus réaliste, ou en tout cas. Ouais, finalement, non. Bah, après, c'est classique, hein, ouais. C'est Bourdelle, hein, c'est pas. Mais c'est vrai que son travail me parle beaucoup. Je te laisse dire là, après, parce que ça paraissait une évidence, et des fois, c'est une ville, un village ou un pays. Évidemment, je pense que tout le monde, te connaissant un tout petit peu, pense que tu vas dire l'île ou le nord, et pourtant, tu as dit. Eh bien non, j'ai dit la Bretagne, la Bretagne au sens large, quoi. Donc non, c'est vraiment un endroit, enfin une région où je me sens vraiment bien, en fait, quand j'essaie d'y aller au moins une ou deux fois par an, d'une manière ou d'une autre. Et c'est un endroit où je me repose vraiment, où j'ai l'impression, puis j'ai l'impression, comme je dis dans le questionnaire, d'être chez moi, en fait. Je me sens pas étranger quand je suis en Bretagne. Alors peut-être, j'ai peut-être des vieilles racines bretonnes, j'en sais rien. Après, il y a beaucoup de gens qui adorent la Bretagne. C'est un vrai coup de cœur, moi aussi, hein, on est fort. Mais c'est vrai que c'est une région qui, dans ses paysages, dans l'atmosphère qui y règne, puis j'ai pas peur de la pluie non plus. Hein, Donc, vaut mieux, ouais. Même si, bon, on y a des temps ensemble, il pleut finalement pas autant que ça en Bretagne. Hein. Bon, non, mais c'est comme à Lille. C'est un peu, voilà. Ah ouais, c'est le soleil. Ouais, c'est vrai, un beau soleil aujourd'hui. Il y a des belles lumières aussi en Bretagne, c'est quelque chose qui te... Tu fais pas forcément de peinture, mais c'est quelque chose qui te touche aussi, c'est... Il y a une belle lumière. Oui, les lumières, c'est des choses que j'essaie de mettre dans mes films, les lumières. Ouais, c'est vraiment ce que je travaille en premier, quand j'essaie de construire mes plans. Donc oui, la lumière, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et donc, comme tu le dis, une partie de ton film, ton prochain film, s'il se fait, évidemment, se passerait à Ouessant, Super Bill. Ouais. Là aussi, coup de cœur pour l'île Ouessant. Oui, il y avait longtemps que je voulais y aller. J'ai pu y aller cet été, j'ai fait des photos, je vais y retourner sans doute pour essayer de monter le film, pour refaire d'autres photos et des dessins. Là, je prendrai un carnet pour dessiner, par contre. Enfin, c'est encore le boulot. C'est pour le film. Oui, c'est pour le film. Donc, ça compte. Mon prochain film se passe aussi dans le Nord, effectivement, mais il y a tout un passage qui va se passer, ou en tout cas, je prends comme décor l'île Ouessant. La prochaine, c'est vraiment peut-être le summum du questionnaire. Une chorégraphe ou un chorégraphe, une danse. Et je vais dire quand même toute la phrase que tu as mis. Hein, c'est un art que je connais très peu, pour citer quelques-uns. Quelqu'un semble me sentir malhonnête, hormis les pointures médiatiques. Je dirais donc... La danse des canards. qui est la première danse que j'ai identifiée comme une danse, en fait, quand j'étais petit. J'ai dû danser sans doute à un spectacle... de fin d'année à l'école. Il n'y a pas de vidéo. Il y a des photos. Ce serait pas mal. J'ai des photos. Blague à part, j'ai vu très peu de spectacles de danse. Je déteste la danse classique. Je préfère largement la danse contemporaine ou la danse urbaine. Voilà, mais je n'ai aucune connaissance. Je peux te citer des chorégraphes, je peux te citer Pina Bausch ou Pietra Gala, ça s'arrête là. Ou la chorégraphe dont tu me parles très souvent. Interza Tiersmaker. Voilà. Mais non, je connais pas. Donc, Malgré un bel écrin pour la danse, qui est l'Opéra de Lille. Oui, c'est vrai. Qui montre beaucoup de belles choses. C'est vrai, mais j'ai pas ce réflexe d'aller voir de la danse. Pas encore fait de la danse. Il faut qu'on m'initie, en fait. La danse des canards, bon. On va s'y atteler alors. C'est Bulle du Rêve. C'est Bulle du Rêve sur Radio Libertaire. Ouais, merci beaucoup, Rosalie. C'était Rosalie qui désannonçait. Je reprends le truc. C'est l'émission 100% animation. Ah, tu l'as super bien dit. Merci beaucoup. Donc. Toujours Radio Libertaire, comme ça vient de vous être dit par Rosalie, de manière superbe. C'était encore mieux que moi, largement mieux que moi. Donc c'est pour la dernière partie. On n'a plus beaucoup de temps, donc je me dépêche un tout petit peu. On va enchaîner sur quelle meilleure radio peut avoir ça quand on vous apporte de la bière en plein milieu de l'émission. On va enchaîner sur un groupe. Je remercie Bastien Duprier, qui est un jeune réalisateur, hein, dont je vous ai déjà parlé ici, qui m'a fait découvrir ce groupe qui s'appelle Clever Girl. L'album s'appelle No Drum and Bass in the Jazz Room, et c'est à la base un groupe plutôt punk, et là d'un seul coup ils ont fait cette chose un petit peu plus jazz, un peu plus sympa. Donc vite on se met ça, on enchaînera sur la dernière partie parce que je vais être tout juste. Donc voilà, et puis si j'ai pas le temps, dans ce cas-là Francis reprendra la parole après ça. Et si j'ai pas le temps, bisous à tout le monde, amusez-vous bien et à très vite. Bye bye. Alors, c'est un livre de fiction. Je te laisse aussi. Le Horla de Maupassant, ouais. Comme je le dis, là, m'a vraiment fait prendre conscience de ce qu'était le fantastique, ouais. En fait. Pour moi, le fantastique, avant, c'était vraiment ce qui s'apparente plus au merveilleux, au conte de fées, voilà. Et le fantastique, c'est pas ça. En tout cas, le fantastique littéraire, c'est pas ça. Et le Horla m'a vraiment marqué. Dans sa narration, dans l'histoire aussi. Je l'ai pas lu depuis très très longtemps, faudrait que je le relise aussi. Mais dans le même ordre d'idée, il y a la Vénus d'Île aussi qui peut se rapprocher aussi du Horla. Le Horla. En tout cas, donc le fantastique. J'ai mis un lien PDF, comme ça, si vous voulez le lire. Complet. Parfait. Un livre non-fiction, tu as mis un livre de cuisine avec des belles photos, car il était midi quand tu réponds au questionnaire. Ça, c'est une petite pirouette, mais on se connaît, on l'a déjà dit. Tu cuisines depuis quelques années et tu cuisines pas mal, beaucoup en tout cas. Tu aimes bien ça, inventer des recettes, etc. C'est quelque chose qui te plaît vraiment, ça te plaît évidemment, mais c'est quelque chose, je sais pas, qui est une extension d'un plaisir créatif justement que tu peux avoir. Tu trouves d'autres plaisirs en cuisinant, c'est très intéressant, mais en tout cas je me suis mis à la cuisine il y a pas si longtemps que ça, quoi, même pas 10 ans vraiment. Avant je cuisinais mais pour me nourrir, quoi, mais c'est quelque chose qui me repose énormément, en fait, de cuisiner. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils écrivent, des scénaristes ou quoi, qui disent j'ai envie de faire un film, puis je vais écrire, je pars à ragout, ça va prendre du temps, et finalement pendant ce temps-là je réfléchis aussi pendant que je travaille, ou non, toi t'es à fond dans la recette? Ça dépend, quand il faut éplucher je peux réfléchir, après quand il faut faire d'autres choses il faut être concentré. Non, et c'est surtout que on peut tester des choses, en fait, facilement. C'est raté, c'est pas grave, on recommence après. Mais on peut inventer des choses. Je suis rarement une recette de A jusqu'à Z. À un moment, je relance, ça me saoule, je fais autrement, ou je vais mettre autre chose. Donc, c'est vraiment... c'est le côté aussi créatif, et de dire... j'aime bien, des fois, ouvrir le frigo. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'il y a dedans, de toute façon, vous retrouverez mon interview dans Marie-Claire. C'est pour les prochaines. On n'en est pas loin, parce qu'après, il y a une nourriture-boisson. Évidemment, tu as choisi une boisson. Moi, c'est grâce à toi et grâce à... En venant ici, que je sais à quel point maintenant la bière est bonne, et non pas comme tout Parisien un peu bête de penser qu'il y a que la Kronenbourg ou l'horrible Canterbourg. Enfin, voilà, c'est ces choses-là. Et donc, tu as dit des bières belges et du Nord, forcément. Tu as même fait un lien sur une brasserie parapluie, parce qu'en fait, une brasserie, il y a de plus en plus de micro-brasseries maintenant qui se mettent en place. Et ça, t'aime bien, justement. Pas les grosses sociétés qui font des bières, même si on peut en boire, mais d'un seul coup, des gens chez eux, ou en tout cas, voilà, qui vont se lancer dans des petites fabrications comme ça. Je trouve ça, c'est hyper convivial, en fait. Et là, la brasserie parapluie, donc c'est un ami et son frère qui ont créé ça, donc. Et c'est super chouette. Je suis allé les voir, ils m'ont expliqué, on a fait toute la visite de leur laboratoire, on a goûté plusieurs de leurs bières. Enfin, ils m'ont proposé d'en faire une. Ça, c'est le rêve. Avec eux, et de faire l'étiquette. Ouais. Voilà, donc, c'est l'espèce d'apogée comme ça, dans le but d'avoir sa propre bière. Après, j'arrête tout. Dès que j'aurai fait une étiquette et une bière. On va full time job et après on boit. Voilà. C'est ça, c'est. Non, je sais pas, c'est une boisson, c'est la boisson du Nord par excellence, mais la bière, il y en a partout, c'est une boisson ancestrale, je sais pas du vin ou de la bière, quelle était la première des deux boissons, mais c'est une boisson qu'on retrouve partout dans le monde, en fait, sur tous les continents, mais les endroits. Sur des différentes formes, mais qui existent depuis très longtemps dans beaucoup d'endroits, quoi. Il y a des endroits quand même où c'est particulier. Il est évident qu'ici, je vais pas dire que c'est une religion, parce que le mot, évidemment, ces mots sont toujours trop forts, mais il y a une foi quelque part, une croyance en la bière. Tu disais que ton père en buvait quand il était enfant, enfin voilà, on en donnait, alors c'était très légère, voilà, à la cantine. Ouais, à la cantine, il servait de la bière, dans, je sais pas si c'est partout en France, dans le Nord. Je pense pas. À Lille, il servait de la bière à la cantine, une bière très très légère, mais ils avaient de la bière, les enfants. Ceci expliquant beaucoup de choses, sans doute, mais bon. Le tatouage que tu aimerais avoir, on reste, j'espère d'ailleurs que non seulement tu aimerais avoir, mais que tu vas le faire. Vas-y, donc ça serait sur les phalanges. Ouais, sur les phalanges à la manière de Love et Hate de... dans la nuit du chasseur, justement, et donc ce serait moule frites. Voilà. Ok. C'est pour bientôt ? Je sais pas. Je sais pas. Ça fait des années que je t'entends parler de ce tatouage. Mais voilà, je sais pas. On verra, peut-être. En tout cas, si j'en fais un jour, ce sera celui-là. Vivement, on mettra une photo dès que tu l'auras fait. Alors là, on est complètement d'accord sur ça. On est d'accord sur plein d'autres choses avant, mais là, un vêtement. Et pareil, je te laisse le dire. Oui, le vêtement, bah, la jupe pour homme. Parce que j'adorais pouvoir mettre une jupe et me balader en jupe sans qu'on se retourne sur moi. Je trouve que c'est un vêtement, c'est un beau vêtement. Et en regardant, enfin, en répondant à la question, je suis allé voir sur Internet et puis j'ai passé 20 minutes à regarder les modèles pour hommes qui existent et ça peut être vraiment très beau une jupe. Et puis est-ce que ça serait pas bien aussi, enfin moi je sais que c'est comme toi, c'est longtemps que je dis il faut absolument que les hommes mettent une jupe, d'abord un pour, par le plaisir d'en mettre, puis parce que je trouve voilà, que ça serait intéressant justement, il y a toutes ces réflexions aujourd'hui sur le genre, etc., etc., de débloquer certaines choses. Je pense que ça peut, je sais pas ce que t'en penses, mais débloquer aussi dans ce coup de se dire que oui, on peut les vêtements sont unisex, après tout il y a bien sûr raison, là c'est un peu une sorte de chemin inverse disons que la femme a dû faire en fait il y a plusieurs années avec le pantalon quoi, mais c'est un beau vêtement voilà, mais comme une robe hein. J'ai mis la jupe parce que c'est très emblématique, mais la robe hein, disons voilà, j'aimerais bien pouvoir m'habiller comme le font les femmes quoi. Je trouve ça plus facile d'être une femme pour s'habiller en fait. Donc j'aimerais bien que ce soit qu'on puisse que les deux, qu'il y a deux dedans, et voilà. Moi j'admire les gens qui arrivent à voilà qui sont des hommes et qui vont mettre des vêtements plus féminins et inversement quoi. Voilà. Je vais lire le petit texte que tu as dit, un fait historique politique. Tu dis, je dirais l'abolition de la peine de mort en 81, car j'avais 4 ou 5 ans à l'époque, mais seulement quelques mois quand tu as eu la dernière exécution en 1977. Ce n'est donc pas si vieux, pardon, et cela remet en perspective nos avancées humanistes de ces dernières décennies, de plus en plus secouées par un obscurantisme malheureusement de retour. Ben voilà. C'est quelque chose, tu dis tout dans le texte, ça te fait peur ce qui se passe aujourd'hui, la montée des extrêmes un peu partout dans le monde. Enfin, si tu me dis non, ça me surprend. Non, j'aime bien. Ouais. Je trouve ça chouette. Non, mais je trouve qu'on remet en cause beaucoup de choses, beaucoup d'avancées qui paraissaient acquises et qu'on ne pouvait pas changer. Et qui là, ben voilà, je ne suis pas si sûr que ces avancées, que ces progrès puissent perdurer si on continue voilà, dans ce climat qui est assez... assez délétère et haineux. On est obligé de se dépêcher un tout petit peu parce que le temps passe vite. Je vais te laisser dire parce que justement, ça revient à ce qu'on disait. Un objet, t'as mis Je sais plus. Un carnet. Un carnet à dessin. Et ouais. Tu dis, ce qu'on disait, tu dessines presque pas. Par contre, t'en achètes plein. J'en ai une pile à la maison qui sont vides ou que je donne aux enfants à un moment pour qu'ils puissent dessiner. Parce qu'eux dessinent beaucoup plus que moi sur les carnets. Mais ouais, donc, voilà. T'aimes l'objet ? Je trouve ça vraiment classe de pouvoir sortir son carnet, le dessiner, d'avoir un carnet. J'adore ça. Mais j'ai jamais eu d'agenda, jamais eu de cahier de texte. Mes rendez-vous, j'essaie de les avoir dans la tête. Je les note pas. Ce qui fait que j'en oublie certains parfois. Mais je sais pas. C'est comme ça. Mais c'est un objet voilà, que je trouve formidable. Une photo de Paris, soi-disant la première montrant des êtres humains prise en 1838 par Louis Daguerre. Ouais, c'est une photo que j'avais découverte il y a quelques temps déjà. Elle est assez étrange, je vous conseille d'aller la voir. On voit vraiment ils disent l'adresse sur le lien, je pense. Donc c'est un boulevard à Paris et on voit un cireur de chaussures, on voit quelques personnages mais qui sont des silhouettes à peine reconnaissable en fait, puisque le temps d'exposition était très long, donc il y a dû sans doute avoir d'autres personnages, mais qui ont dû juste passer et donc pas imprimer le... Alors là, c'était une plaque de verre, j'imagine. C'était un daguerréotype, je suis pas au fait de la technique exactement, mais... Et donc, il reste quand même sur cette photo de ces bâtiments et de ces rues vides quelques personnages qu'on devine. Et effectivement, on voit bien le serreur de chaussures. Et c'est assez, je trouve ça magnifique la photo, et notamment les vieilles photos, pas forcément des photos aussi vieilles. Hein, j'ai retrouvé au studio d'ailleurs, qui était l'ancienne maison de mon oncle, j'ai retrouvé une boîte de diapos. Et dans les diapos, c'était diapos de mai 68 à Paris. Donc c'est assez étrange, c'est des photos qu'il a prises à l'époque en couleur, donc et je les visionnais, et voilà, c'est, on se met vraiment dans la peau de quelqu'un quand on regarde une photographie, et c'est vrai que les photos effectivement c'est vrai que j'aime particulièrement les photos de Paris, mais de Lille, enfin des villes, c'est comme des liens, les photos, j'ai l'impression que le lien est important chez toi, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose, j'ai l'impression, le lien entre les gens, le lien entre, je sais pas, le passé, le présent, etc. Est-ce que... Oui, je pense que ça, c'est dû à mon univers familial aussi, je pense, qui est beaucoup attaché à ses racines, à l'histoire d'être proche de la région aussi. Donc forcément, ça a aussi imprimé quelque chose en moi. Une partie de ton corps, je te laisse dire, parce qu'en effet, pour les gens qui te connaissent, là, c'est une évidence. Les mollets, voilà. Pour les gens qui ne te connaissent pas, ça peut être plus surprenant, mais en effet, c'est une évidence totale, les mollets. Voyez-moi en short l'été et vous ferez votre propre avis. Apparemment, voilà, mes mollets sont très connus. Sont assez imposants, faut le reconnaître. Dans le milieu, voilà. Un jour, au moment de l'année, tu dis un beau jour d'hiver froid mais ensoleillé, une balade et une bonne bière belge ou du Nord en rentrant. Un temps comme aujourd'hui, là. Ouais. Là, on est en hiver, il y a du soleil. On ne va pas se balader parce qu'il y a du boulot, mais par contre, on aura la bière tout à l'heure. Donc, j'ai presque rempli. Il y a une des choses, ok. Il y a des charges. Mais ça, c'est important. Se balader, c'est vraiment absolument besoin d'aller me balader en campagne au moins une fois par semaine, quoi. T'es de la ville, mais la campagne est importante. Oui, les deux, pareil, sont... Je suis de la petite ville, donc... Ouais. J'adore la campagne. J'adore vivre en ville, mais j'ai besoin de pouvoir aller en campagne. Je vais te laisser dire la personne, puisque je t'ai demandé, donc, la fin du questionnaire, c'est une personne, un personnage qui te fascine, et tu as dit... J'ai parlé de mon oncle, dont j'ai évoqué les photos de mai 68. Qui était dessinateur, donc Roland Cuvelier, et qui vraiment, c'est un modèle en fait. Mais j'ai une période aussi où je trouvais que ses dessins c'était moins bien que Gaston, moins bien qu'Astérix, et je disais, ouais, non, il dessine moins bien. J'ai eu cette période plus jeune, peut-être à l'adolescence, début de l'adolescence, où on jette un peu. Et puis j'ai redécouvert en grandissant vraiment, et appris vraiment à comprendre son travail et à le trouver vraiment exceptionnel. Je trouve ça touchant, à la fin tu dis, je me rends compte seulement maintenant de l'influence qu'elle a eu sur moi et aussi du talent qu'il avait. Tu dis, des fois ça prend vraiment, on est... Quand on est trop proche, on ne voit pas en fait. Et c'est malheureusement, il est décédé. Et je connaissais son talent avant son décès, heureusement, mais j'ai reconnu son talent bien avant ça. Mais c'est vrai que je découvre, il avait une production énorme. Et donc chez mes parents, il y a énormément de pochettes à dessin. Et voilà, quand j'ai envie de me faire plaisir, j'ouvre une des pochettes et puis je feuillette un peu tous ces dessins qui traînent partout. Et le fait de se rendre compte qu'il est encore connu et qu'il a marqué, puisqu'il y a quelqu'un qui est venu t'interviewer le Bonne Humeur il n'y a pas si longtemps, qui te parlait, mais vous êtes de la même famille, etc. D'un seul coup, ça marque. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, je ne sais pas, quand on est dans la famille à un moment donné, ou déjà tu t'en rendais compte du fait qu'il était quand même connu. Oui, je savais qu'il était déjà dans la région, c'était une figure assez connue, oui. Mais ça fait plaisir aussi, qu'on l'oublie pas, qu'on se souvienne de son travail. En plus, c'était un personnage totalement fou, totalement excentrique. Ça marque, mais involontairement. Ça marque, oui. C'est vraiment chouette. Eh ben, écoute, on devait faire à peine une heure, on a fait presque 1h10. Eh bien, merci. Est-ce qu'il y a une dernière chose qu'on n'a pas dit avant de refermer l'enregistrement? On a été très sérieux. Ouais, ça change. Ouais, ouais. Ça change.